نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، nous allons voir ensemble avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala un sujet donc vis-à-vis du comportement à éviter, des choses à ne pas faire. Et donc nous allons parler sur l'avarice ainsi que le fait de rechercher les biens de la vie d'ici-bas, bien sûr avec exagération. Donc tout en sachant que les bienfaits ou l'argent, on va l'appeler comme ça, les biens ou l'argent ne sont pas réprimandés à l'origine. L'argent en lui-même donc n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est bien sûr la façon de se le procurer ou bien de dépenser cet argent ou autre, donc qui va être sûrement réprimandé si la personne ne le fait pas comme il est demandé. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Anfal ainsi que dans surat al-Taghabun, il dit innama amwalakum wa awladakum fitna, certes vos biens et vos enfants sont une fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ici commencé par l'amwal. Il a commencé par les biens avant de commencer par les enfants. Nous savons que les gens, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de ses bienfaits, ils risquent donc naturellement de changer. Ils risquent naturellement de changer de comportement. Et cette épreuve-là va faire d'eux donc des gens qui se retrouvent responsables de quelque chose, responsables de quelque chose qui sera en eux. Donc comment vont-ils procéder? Comment vont-ils faire? Et c'est la même chose pour les enfants. On dit j'ai des enfants, maintenant je dois faire attention à leur éducation. C'est le même principe avec l'argent. J'ai de l'argent, comment je le dépense? Comment je le reçus et comment je vais le dépenser? C'est le même principe. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a en plus placés dans le même verset, dans deux versets différents, où il mentionne les bienfaits ainsi que les enfants. On les retrouve liés, comme on retrouve liés mathalan la salat et la zakat ou autre. Et puis il commence subhanahu wa ta'ala par al-amwal, les biens, les bienfaits, car les bienfaits vont même jusqu'à susciter donc des convoitises, même si c'est dans la famille, les divisions familiales et autres. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani rahmatullah alayhi, ma'ziban ja'i'an ursila fi ghanam fa afsada laha min hirsi al-mar'i 'ala al-mali wa sharafi li dinihi. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, cela est comparable, si on pourrait dire ça au départ, c'est que deux loups qui ont faim sont jetés donc au milieu ou sont envoyés au milieu d'un troupeau, donc un troupeau de moutons, et vont bien sûr donc détruire, donc ils vont détruire ce troupeau de moutons. Et cela est comparable à la personne qui recherche, qui convoite énormément donc les bienfaits et aussi le fait de vouloir avoir un certain honneur. Mais ces bienfaits et cet honneur ne sont pas convoités pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'honneur de la personne, bien sûr, elle va venir. Elle va lui être collée naturellement, mais ça c'est par rapport à ses actes et par rapport à ses paroles. C'est par rapport à sa noblesse de religion. C'est pour ça que la personne aura un honneur. Et aussi le fait que la personne convoite énormément, donc ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné, il a même interdit cela, il a même interdit donc cette façon de faire, mathalan, et la personne va oublier Allah subhanahu wa ta'ala, va bien sûr donc s'accrocher à la vie d'ici-bas, il va oublier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il recherche l'honneur dans l'argent. Il recherche l'honneur dans l'argent. Donc le fait de voir donc de l'argent, il va se rapprocher des riches, il va avoir donc un carnet d'adresses, il va avoir ceci, il va avoir cela. Donc lui, c'est cette façon-là qu'il veut. C'est le fait d'avoir une place dans la société, mais pas de façon légiférée. Mais pas de façon qui va être légiférée. C'est pour ça que la personne, lorsqu'on Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a donné les bienfaits, il dit bien après Rabbi Akraman. Donc il dit mon Seigneur m'a honoré. Rabbi Akraman. Mon Seigneur m'a honoré. Hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala wasa'alahu la rizq. Et lorsqu'il lui a donné, qu'il lui dit mon Seigneur m'a honoré. Et qu'est-ce que cela veut dire dans le tafsir de ce verset? Ça veut dire que je mérite cet argent. Alors que ce n'est pas un mérite. C'est pas spécialement un mérite, mais c'est en vérité un ibtila, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a aussi appelé, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, donc ibtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, hein, qu'est-ce qu'il dit? Fa yaqulu rabbi yani akraman, il dit bien mon Seigneur m'a honoré. Et en vérité, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donc cite cette personne-là, il le réprimande en vérité. Il n'est pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que la personne, elle ne se met pas en tête comme le faisaient les plus prédécesseurs, et à leur tête bien sûr le prophète et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient peur de ces épreuves là c'était des épreuves, et Allah a bien appelé justement ce genre de choses, c'est à dire ces faits là des épreuves. Donc il ne faut pas voir ça, c'est le fait d'avoir des biens, comme c'est à dire un bienfait d'Allah envers toi parce qu'il t'aime. Il ne faut pas voir cela par ça. Il faut voir cela par justement des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu vas renier ou est-ce que tu vas remercier et être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Donc on voit que la personne, bien sûr, donc elle aura, celui qui est comme ça, donc va bien sûr automatiquement détruire sa religion. Il va bien sûr détruire sa religion. Et les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, avaient peur de la fitna du mal. Ils avaient peur de la fitna du mal, c'est-à-dire des bienfaits, des épreuves, des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Et lorsque Omar radiallahu ta'ala anhu donc a eu donc le futuhat, il y a eu donc énormément de futuhat à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il pleurait et il disait donc ma habasallahu hada an nabihi sallallahu alayhi wa sallam wa an abi bakrin. Donc Allah n'a pas, c'est-à-dire interdit, Allah n'a pas donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam cela ainsi qu'au Abu Bakr parce qu'il leur veut du mal. Mais il dit wa a'tahu Omar iradatan al-khirlahu. Il n'a pas donné ça aussi à Omar parce qu'il lui veut du bien. Donc il voit qu'il reçoit, en ce moment il y a les futuhat. Des richesses viennent, il partage les richesses avec les musulmans, mais il dit bien que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr n'ont pas reçu ces richesses parce qu'Allah leur veut du mal ou parce qu'Allah me veut du bien. Donc il fait bien comprendre dès le départ, déjà il barre la route à énormément de choses, au kibr, à l'orgueil, au ujub, le fait d'être un but de soi-même et autres. Il barre la route à énormément de choses, tout en sachant que cet argent-là, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est des questions. Donc il comprend bien qu'est-ce que justement est justement l'ibtila d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il comprend bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ses versets lorsqu'il parle et cite donc les bienfaits subhanahu wa ta'ala. Et aussi Yahya ibn Mu'ad radhiallahu anhu, donc il dit bien dirham aqrabun, dirhamu aqrab. Donc il dit que l'argent, donc les bienfaits, donc c'est un scorpion. Il l'appelle scorpion. Il dit: fa innam tuhsin ruqyatahu fala ta'khudhu. Si tu n'es pas capable de te guérir, enfin, si ce scorpion t'aurait piqué, donc par la ruqya, le fait de te guérir par la ruqya, donc ne le prends pas. C'est-à-dire qu'en vérité, si tu ne sais pas comment le prendre, si tu ne sais pas comment le dépenser, donc ne cherche pas après. Si tu sais que tu es quelqu'un qui ne sait pas comment aller le chercher, c'est-à-dire qu'il va, tu sais aller le chercher, mais dans le haram, par les billets, par les moyens qui sont interdits, et tu vas le dépenser dans ce qui est interdit en ce moment-là, il est meilleur pour toi de ne pas aller le chercher. فَإِنَّهُ إِنْ نَدَرَكَ قَتَلَكَ قَتَلَكَ سُمُّهُ. Car s'il te pique, donc son poison va te tuer. C'est-à-dire que cet argent-là, il va te détruire. Une fois que tu l'auras donc rassemblé. Une fois que tu auras rassemblé cet argent va te détruire. قِيلَ وَمَا رُقِيَتُهُ. Et on lui dit, et comment est sa ruqya, donc sa guérison, sa façon de guérir. Il dit, أَخْذُهُ مِنْ حِلِّهِ وَوَدْهُهُ فِي حَقِّهِ. Donc c'est le fait de le prendre dans le halal, donc dans ce qui est licite, tu vas aller travailler, donc tu vas faire tes heures, tu vas bien sûr aller le chercher, et tu vas vendre ce qui t'appartient, ce qui est halal, sans mentir, en mentionnant exactement l'objet comme il est, la khali, mathalan, à titre d'exemple, et aussi tu vas le dépenser de droit, de bon droit, tu vas le dépenser de bon droit, donc la famille et la famille et autres, donc tu ne vas pas le gaspiller de façon bien sûr exagérée, mathalan. Et tu ne vas pas aussi être avare. Et tu ne vas pas être, dans tous les cas, avare. Donc tu vas l'éduquer, tu vas le dépenser pour tout ce qui est déjà obligatoire pour toi. Donc dans toi, ta famille, mathal. Donc dans les habits, dans la monture, dans l'endroit où tu vas vivre, hein, mathal, si c'est une maison que tu achètes ou quoi. Et aussi tes enfants pour leur éducation et autres. Et aussi, bien sûr, le haq. Il y a aussi la zakat qui entre en compte, et il y a aussi les sadaqa, donc le fait de ne pas être avare. Les sadaqa. Et puis il dit waqal musibatan il abdi fi malihi 'inda mawtihi la tuzma' lil khala'iq bimithlihima. Donc il dit il y a deux musibas. Donc deux, c'est-à-dire deux choses qui seront deux malheurs. Donc deux malheurs pour le serviteur vis-à-vis de son argent au moment de sa mort. Et on n'entend pas de malheur, c'est-à-dire aussi grave que ces deux malheurs-là. Qila mahuma, on lui dit quels sont ces deux malheurs. Qala yukhadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. C'est que il va être questionné sur tout cet argent, c'est-à-dire comment elle est rentrée, comment elle a été dépensée. Donc cet argent, ça va être un compte. Il y aura une comptabilité qui va être. Donc en ce moment-là, rien ne va échapper. Rien ne va échapper à la comptabilité de cet argent. Comment elle est rentrée et comment elle est sortie. Donc comment elle a été dépensée. Donc comment tu l'as gardée et comment elle a été dépensée. Tout cela. Donc ça, c'est ils ont appelé bien. Donc ils ont bien appelé Musiba. Ils ont appelé donc ce sont des Masaib. Ce sont des Masaib. Donc là, on voit que c'est une épreuve. C'est pour montrer que l'argent, bien sûr, c'est une épreuve. Et comme on l'a dit auparavant, que l'argent n'est pas réprimandé par lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais à l'origine. Donc l'argent, les bienfaits, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais à l'origine. Et il va être même loué, il va plutôt être loué, si bien sûr tu as fait en sorte que cet argent, elle va justement être dépensé comme il le faut. En ce moment-là, c'est une très bonne chose. En ce moment-là, on voit que l'argent... Donc elle peut être une mursiba comme elle peut être en vérité un grand khair, un grand bien. Donc maintenant à toi de savoir comment tu vas bien sûr le dépenser, comment tu vas gérer cet argent. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà tout soufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Nisa, dans le début de la sourate Nisa, il dit bien et ne donnez pas aux sots ou bien à ceux qui ne sont pas réellement intelligent, vaut bien. Alors qu'Allah vous justement a fait de vous donc des gérants de cet argent, des gens qui vont justement être responsables de cet argent. Et ce fait, donc bien sûr, c'est celui qui n'est pas halim, donc c'est celui qui est justement qui est sot et qui est khafif. Donc c'est celui qui en va être léger. Il va dépenser maintenant cet argent-là de façon exagérée. Il suffit que il fasse les vitrines, si on peut dire ça comme ça, mathalan, pour qu'il achèterait tout ce qui lui plaît, même si ce n'est pas nécessaire. Il va dépenser, même si au milieu du mois, il n'aura plus d'argent. Parce qu'il ne sait pas gérer. Et en ce moment-là, s'il y a une personne qui est responsable, c'est à lui de la tenir. Ce n'est pas cette personne qui est responsable de tenir cet argent. Et bien sûr, donc ça fait, c'est el-jahil, donc l'ignorant. Celui qui va être ignorant, justement, dans ce domaine. Il va être ignorant, en vérité, dans ce domaine. Et on a, donc, on peut mentionner parmi ceux-là, donc les enfants, les femmes, dans certains cas. Donc, lorsque ce tefsir est venu, il parlait des enfants et des femmes. Et on peut retrouver des hommes, de toute façon, de façon générale. Parce que, justement, il y avait des femmes qui étaient, justement, énormément dépensières. Celles qui sont énormément dépensières, qui ne savent pas, à l'origine, de justement, tenir cet argent-là. Et Saïd ibn al-Musayyib dit, rahimallah, la khayra fi man la yurid al-jam al-mal min hillihi. Il n'y a pas de bien en celui qui ne veut pas rassembler l'argent par les billets qui sont halal, par les moyens qui sont licites. Yakuffu bihi wajhahu 'anil nas wa yasru bihi rahimahu wa yu'ti minhu haqqahu. Donc il dit bien, la personne qui montre comment il faut être, c'est qu'en vérité, tu vas bien sûr, tu vas te protéger des gens vis-à-vis de cet argent, dans le sens où tu ne vas pas demander, tu ne vas pas donc mendier. Donc en ce moment-là, tu vas te protéger lorsque tu auras cet argent-là. Il y a une certaine protection, il y a déjà une protection. Et avec cet argent-là aussi, tu vas lier donc les liens de parenté. Donc tu vas nouer les liens de parenté. Il y a sûrement des pauvres dans ta famille. Il y a sûrement des gens qui ont donc justement ce besoin. Ils ont besoin, ils n'ont pas suffisamment de nécessité. Ils ont besoin de toi pour que tu les aides. Donc ça va louer, et ça va louer, donc justement ça va nier, et ça va lier. Il y aura des liens, et donc ils seront plus forts parce que ils savent que tu es là dans les moments de difficulté ou autre. Et il donne de son droit. Il va donner donc cet argent de son droit. Et bien sûr, le droit, donc le plus obligatoire, c'est un pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a énormément mentionné dans le Coran, c'est-à-dire les droits humains. Les droits humains sont mentionnés dans toutes les sourates du Coran. Dans toutes les sourates du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les droits d'Allah ainsi que les droits humains. Et lorsqu'on voit les droits humains, on voit dans les droits humains énormément de quoi ? De sadaqa, énormément d'argent à donner. Bien sûr, on va commencer automatiquement par la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa sagesse, ne te demande pas de donner énormément d'argent. Que 2,5% de ce que tu as économisé, si le seuil est là. Si le seuil de cet argent est là. Donc l'équivalent de 85 grammes d'or. Et alors, il va te rester, alhamdoulilah, 97,5%. Donc c'est énorme. Donc la personne donne. C'est une purification. Le zakat, c'est une purification. Allah subhanahu wa ta'ala va te purifier. Il va aussi purifier le reste de l'argent qui reste. Il y aura une grande baraka dans le reste de l'argent. Il n'y a pas de perte. N'oublie pas qu'il n'y a pas de perte. Et après, il y a, bien sûr, après cela, les sadaqas. Tout ce qui est donc don. Tout ce qui va être don et qui sont aussi demandés. N'oubliez pas que chaque ange, plutôt chaque jour, les anges qui sont près de tout, qui sont là, disent donc, oh Allah, donne. Hein, donc une succession à celui qui donne, et aussi donne quelque chose qui va justement le faire perdre, donne une dilapidation pour celui qui ne donne pas. Tous les jours les anges demandent à Allah, justement font doigt à Allah subhanahu wa ta'ala, demandent à Allah pour celui qui donne et pour celui qui ne donne pas, tous les jours. C'est pas une fois par an, c'est pas de temps en temps, c'est tous les jours. Donc il y a un lien qui est journalier vis-à-vis de la sadaqa, parce que les anges tous les jours font cette doigt au réveil. Tu te réveilles, c'est ça qui hein, les anges. Regardez par quoi les anges commencent, par justement l'aumône. Pourquoi? Parce que ça lie des liens qui sont trop importants dans l'islam. Et ces liens, c'est quoi? C'est Al-Jama'a. Si maintenant réellement on se considère de Al-Sunna ou Al-Jama'a, donc on doit justement faire attention à tout ce qui va garder, qui va justement cette entité de l'islam. L'entité de l'islam, c'est pas un rassemblement physique, mais c'est en vérité, c'est quelque chose qui est fort. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. Donc c'est vraiment le fait de penser à l'autre. Hein, donc dans tous les domaines, dans tous les sens. ce qu'on passe, donc que ce soit pécunier ou autre, que ce soit pécunier ou autre. Mais c'est pour montrer l'importance, c'est pour sinon les anges, ils ne feraient pas cette doua tous les jours, tout simplement. Aussi, donc Abu Ishaq al-Subayi, rahmallah, dit Kanu yarauna sa'a aunan ala din. Donc c'est pour montrer donc l'argent, pour montrer là les valeurs de l'argent. Il dit que il voyait, donc il veut dire que les salafs qui étaient avant eux voyaient que le fait d'avoir de l'argent, ça aidait à la religion. Ça aidait à la religion. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Il suffit de voir maintenant les factures qu'il y aurait maintenant dans une mosquée. C'est un exemple. Ou bien des fois des difficultés d'une seule personne. Il peut avoir des fois des difficultés chez telle ou telle ou telle personne. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut descendre du jour au lendemain, donc une moussiba dans la famille, et les personnes se retrouvent endettées, et on a déjà eu des cas comme ça. Et donc des dettes qui sont vraiment maintenant énormes. Et les gens ne savent pas comment payer. Et en ce moment-là, ils font appel à la communauté pour qu'on essaye de les aider. Ou bien une opération, il y a quelqu'un qui vient d'un pays étranger, il viendrait se faire soigner en France, mais il y a besoin, c'est un exemple, de 5 000 ou 10 000 euros. Et là, alhamdoulilah, la communauté, elle va justement donc se soulever, la communauté elle va s'unir, chacun va poser un peu, ils vont l'aider. Donc des fois, il y a des moments où il faut bien sûr poser. Et à ce moment-là, il est bien et il est même fortement recommandé justement d'aider ces gens qui sont totalement dans l'épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, et vous n'exhortez pas les gens à donner. Allah, il n'a pas dit vous ne donnez pas. C'est encore plus loin, c'est encore plus profond. Il dit, et vous n'exhortez pas les gens à donner. Que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut réprimander ceux qui ne donnent pas. Il ne leur dit pas, vous ne donnez pas. Il dit, il va encore plus loin. Parce que ça veut dire que normalement, celui qui exhorte les gens à donner, c'est parce qu'il donne. Alors il dit, et vous n'exhortez pas les gens à donner. Tellement c'est profond que normalement, tu dois donner. Ça va donner, normalement, ça va être automatique. Mais Allah, il va te réprimander parce que tu dis même pas aux frères, faites comme, donc donnez de l'argent. Alors il dit pas et vous ne donnez pas, il dit et vous n'exhortez pas les gens à donner. Regardez en vérité comment c'est encore plus profond que le fait de dire et vous ne donnez pas. Parce que normalement tu donnes. C'est comme si ne pas donner c'est inimaginable. Ne pas donner c'est en vérité quelque chose qui est quasiment inimaginable. C'est-à-dire loin justement d'un musulman digne de ce nom. C'est pour ça qu'Allah dit et vous n'exhortez pas les gens à donner. Parce que celui qui exhorte automatiquement, Mbeb Aoula, il est normalement censé donner lui d'abord. Il est censé donner lui d'abord. Et aussi Sofiane, rahimallah, donc sûrement Al-Thawri, donc il dit El-Malou fi zamanina hada silah al-mu'minin. Donc un pieux prédécesseur. Imaginez-vous qu'il y a entre nous et lui, donc plus de 11 siècles à peu près, ou 12, donc il y a quand même à peu près 11 siècles ou 12, et il dit l'argent à notre époque est quoi? Est l'arme des croyants et l'arme des croyants. Parce que justement, ça aide à la da'wah, ça aide à propager l'islam, ça aide aux bienfaits. Le frère Kamel, vous justement, vous expliquez tout à l'heure qu'il faut bien sûr donc œuvrer chacun comme il le peut. Celui qui peut faire da'wah, il va faire da'wah. Celui qui peut propager maintenant par les livres, par des cassettes, par n'importe quel billet, va le faire. Celui qui est bon en informatique, maintenant, il va peut-être ouvrir un site. Il va joindre, il va rassembler donc des paroles de savants, il va le mettre dans le site et l'akhiri. Donc chacun sa façon de faire. Mais tout ça, c'est justement donc un silah. Et lui, il va utiliser donc ses moyens, il va acheter un ordinateur, il va utiliser ses. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit que l'argent, ou bien le bienfait, donc tous les bienfaits sont les armes des croyants. C'est que le croyant, lorsqu'il a justement el-mal, il sait qu'en ce moment-là, il a une arme en lui. Et cette arme, c'est justement le pouvoir. Avec cet argent, propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va la propager dans le bienfait. Vous savez bien que ceux qui propagent la da'wah, justement, donc les grandes associations musulmanes qui sont un peu partout dans le monde et qui sont connues, donc justement, ont besoin énormément d'argent lorsqu'ils veulent justement propager, lorsqu'ils veulent envoyer dans d'autres pays, le fait d'ouvrir des puits, le fait d'ouvrir des écoles, le fait de acheter énormément de Coran, de payer des professeurs et la khairi, justement pour que les gens connaissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela ne va pas se faire en vérité sans argent. Donc on voit là maintenant en vérité donc la valeur et l'importance de l'argent. Donc c'est qu'on voit que l'argent, en vérité, donc si on revient En résumé, c'est que l'argent, bien sûr, à ce moment-là, si la personne sait comment elle doit le dépenser, sait comment elle doit déjà l'acquérir et après le dépenser, il y a un grand khair. Il y a énormément, bien sûr, de khair. Il y aura un grand khair dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. C'est que la personne qui va avoir de l'argent, donc dans la vie d'ici-bas, elle sait qu'il va le dépenser déjà pour lui-même, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui-même, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va partir au Hajj, mathalan. Il va partir au Hajj. Et lui, il va regarder. Il va regarder déjà, avant de partir au Hajj, avec qui il va partir. Et souvent, on voit que les prix peuvent différer. 3002, 3003, 3005, 3004. Il cherche des fois peut-être le moins cher. Mais en vérité, Abdallah, lorsque tu veux partir au Hajj, essaie de voir, il faut que tu partes avec les gens qui sont pieux. Il faut que tu partes avec un groupe où il y a des gens qui vont t'apprendre comment tu vas faire le Hajj. Il faut que tu partes avec des gens où tu es sûr, bi'idhnillah azza wa jal, que le Hajj va bien se passer. Donc c'est pas juste l'hôtel en lui-même. C'est pas juste ça. Parce que si tu te retrouves maintenant dans un endroit qui serait un peu moins bien que d'autres, mais que le reste est bien, c'est-à-dire le côté religieux est bien, tout se passe bien, c'est ça le principal. C'est pas la couche, c'est pas le lit en lui-même qui est important vis-à-vis de cela. C'est en vérité de savoir avec qui tu pars. Donc, si tu fais le Hajj, autant en ce moment-là choisir un groupe où tu es sûr qu'il y aura bien sûr des cours, il y aura des gens qui vont t'apprendre des choses parce que tu fais, donc tu vas à ce moment-là donc faire un pilier d'Allah subhanahu wa ta'ala, une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sûrement peut-être une seule fois dans ta vie. Alors, le mieux, c'est de le faire comme il t'est demandé, afin que tu sois récompensé. Et tu connais la récompense. La récompense, c'est que tu vas revenir comme le jour où tu as été né, c'est-à-dire sans péché. Tous les péchés seront effacés. Et c'est une énorme adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grande adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors autant partir et revenir heureux de cela que de partir et revenir justement des fois attristé ou tu vas dire je vais le refaire parce que ceci, parce que cela. Donc dès le départ déjà, pars avec donc un groupe de personnes où il y a énormément de personnes pieuses, et qui connaissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est bien sûr une parenthèse vis-à-vis du Hajj. Et bien sûr, on retrouve énormément d'adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont justement par rapport à l'argent qui demande des fois d'avoir une certaine somme. Et ça va t'aider dans la vie d'ici-bas, dans le sens où tu vas t'habiller, tu vas te nourrir, tu vas nourrir ta famille, tu auras une maison ou quoi que ce soit. Il y a tout ce qui est de tout ce qu'on appelle daruriyat, daruriyat, tout ce qui est en vérité une nécessité. Et cette nécessité, il est obligatoire d'aller la chercher. Si tu ne vas pas la chercher, c'est un dhème pour toi. Ne crois pas que ça va tomber tout seul. Il faut que tu fasses les efforts pour que tu puisses au moins avoir cette nécessité. N'attends pas que ça tombe. Donc la personne, c'est justement, c'est elle qui va rechercher. Donc c'est bien fait. Elle n'attend pas que ça tombe. Elle ne devait pas en vérité donc laisser pour compte dans le sens où elle devient la personne qui reçoit sans rien faire. Parce que celui qui s'habitue à ne rien faire, en vérité, donc va s'habituer à la fainéantise. Et ça, c'est pas demandé dans l'islam. C'est pas demandé dans l'islam. C'est pas bien de se laisser aller. Parce que tu te laisses aller, ça c'est très mauvais. C'est très mauvais pour toi, c'est très mauvais pour ton psychique, c'est très mauvais en vérité pour ta religion. Le fait de devenir simplement celui qui demande. Il faut que tu sois plutôt celui qui donne. Donc il faut pour être celui qui donne, soit donc justement celui qui est parti chercher. Celui qui est parti chercher dans le halal. Donc en vérité, il faut œuvrer, il faut bouger, il faut travailler, il faut se lever tôt. Donc voilà comment il faut être. C'est ça qui est demandé. Il n'est pas demandé de ne rien faire. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon en vérité de faire partie des gens qui tendent la main. Quand j'ai tendu la main, dans le sens où il dit c'est bon, il y a le RMI qui tombe, ça me suffit. En vérité, la personne, elle ne doit pas se contenter de ça. Il est mieux pour lui, en vérité, d'avoir son salaire. Il est meilleur pour lui d'avoir son salaire. Donc la personne, bien sûr, elle va donc œuvrer de cette façon-là. Il y a aussi, donc il y a, parce que là, on voit que vis-à-vis de la religion, les gens donc ils vont être divisés en trois vis-à-vis de l'argent. Donc celui qui va bien sûr travailler, qui va penser à lui, qui va penser aussi aux autres. Et aussi donc celui qui va penser aux autres, dans le sens où il va beaucoup penser aux autres. Donc on a vu celui qui pense à lui, celui qui pense aux autres. Et il y a des gens qui pensent plus aux autres. Ça existe. On appelle ça l'altruisme, l'ithar. Et ils étaient comme ça, les compagnons du prophète. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خَصَّاصًا. Ils le font passer les autres avant eux, même s'ils en ont énormément besoin. Il en a besoin, mais si l'autre en a besoin, il lui donne à lui. Il s'en passe. Il sait qu'il va réussir à s'en passer. Il en a besoin, mais il est capable de s'en passer. Il a cette force. Il est capable de s'en passer. Et il donne à l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, bien sûr, Al-Ansar, lorsqu'ils ont reçu Al-Muhajirin, les Médinois, lorsqu'ils ont reçu les gens de la Mecque. Parce que pourquoi? Parce que justement, ils sont ikhwan, ils sont frères. Ikhwan ala sululin mutaqabilin. Ils sont son frère, et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des gens du paradis, il dit qu'ils sont frères sur des divans, qu'ils se voient les uns les autres. Quand tu seras allongé sur un divan en hauteur et tu verras d'autres personnes. Et c'est aussi descendu ce verset pour les compagnons du prophète. C'est descendu aussi pour les compagnons du prophète, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé de leur cœur le rish wal ghil. Il a enlevé donc justement cette traîtrise, cette hantise, cette jalousie. Ils n'avaient pas ça, les compagnons du prophète, dans leur cœur. C'est pour ça qu'on dit qu'ils avaient des sifètes des gens du paradis. Déjà. Eux sur terre, ils avaient déjà certaines sifètes des gens du paradis. Et ça n'a été donné que aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pas aux autres compagnons. C'est pour ça qu'ils ont donc ce degré qui est supérieur. Ce degré qui est supérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi donc ses compagnons pour être les meilleurs des personnes. Il a choisi les meilleurs cœurs. Allah a regardé le meilleur cœur. Et c'était le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a regardé les meilleurs cœurs afin qu'ils soient ses compagnons dans la propagation de l'islam. Il a choisi les gens les plus sûrs pour qu'ils propagent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est bien sûr, on voit ceux qui seront donc ces gens-là, ceux qui vont penser aux autres. Et parmi ceux-là, donc il y a le fait que les gens, ils vont être forts dans la sadaqa. Et on sait que la sadaqa, donc ses bienfaits sont énormes. Et aussi, donc les personnes justement par rapport à cela, qu'est-ce qu'ils vont gagner comme bénéfice? C'est que les gens vont les aimer. Ils auront ce qu'on appelle el-muru'a. Les gens vont les aimer. Et on peut citer des exemples, même de gens de maintenant, de grands savants, qui, donc l'argent ne les dérangeait pas. Ça ne les changeait en rien. Shir ibn Baz, rahmatullah alayh, rahmatullah, son secrétaire dit, donc toute ma vie, j'ai travaillé chez Shir, rahmatullah, jamais il a demandé combien d'argent était entré dans le compte et combien il reste. Jamais de sa vie. Le comptable n'a jamais eu besoin de dire il y avait combien. Donc il le prenait et donnait sans compter. Au point où il débitait, au point où je veux dire, donc il était au négatif, au point où il manquait de l'argent. Et lorsqu'il manquait de l'argent, Alhamdulillah, c'était les émirs, et parmi eux surtout le roi Abdallah actuel, c'était lui qui compensait. Qui compensait en vérité, qui rendait cet argent à la banque. Donc il prenait. Et s'il avait donc du négatif, il ne le savait pas, car il ne comptait pas. Car il ne comptait pas, rahmallah. Et ça, c'est donc un témoignage de son secrétaire, de son comptable. Donc c'est pour montrer les gens comment ils sont. Ils pensent, pourquoi? Parce qu'ils pensent énormément à aider les autres. Ils pensent énormément à aider les autres et ils sont au-dessus de l'argent. C'est eux qui sont maîtres de cet argent et ce n'est pas l'argent qui est maître d'eux. Et ça, c'est important. Que ce soit toi qui sois donc maître de tes biens et tes biens ne sont pas maîtres de toi. Tu n'es pas esclave de tes biens. Tu dois être esclave d'Allah, mais pas de tes biens. Donc ça va justement aider, parce que, alhamdoulilah, tu es riche. Donc tu vas être noble. Tu vas justement donc pouvoir inviter les gens aussi, mathan. Lorsque tu sais qu'il y a des pauvres, ta porte elle s'ouvre et tu donnes de la nourriture aux pauvres et hôtes. Donc et aussi, bien sûr, vis-à-vis de cela, donc tu vas acquérir. Donc ça, c'est dans la vie d'ici, le fait que tu vas donner. Et tu vas acquérir en vérité énormément d'amis, énormément de gens qui vont t'aimer. Et ça, c'est un khair. Se faire aimer, c'est pas le but. Lakin, c'est une faïda quand même. Donc le fait de se faire aimer, c'est un khair, c'est un bien. C'est un khair. C'est pas le but, parce que la personne, elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, les gens, ils vont l'aimer. Et si les gens l'aiment, c'est pas parce qu'ils l'aiment tout simplement. C'est parce que Allah l'aime et l'a dit aux anges, et les anges l'ont dit aux humains. Donc ça va être Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les gens sont aimés vis-à-vis de la communauté, c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu cela. Et le contraire, ceux qui sont détestés, donc s'il y a des gens qui sont détestés, qu'ils regardent ce qu'ils font. Qui regarde ce qu'ils font comme péché, parce que c'est pas venu comme ça, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, donc, les gens, avec leur argent aussi, bien sûr, donc ils vont même, des fois, faire face à ce qui est mal. On va propager des choses qui sont fausses, sur ma fin, imaginez le hijab, c'est un exemple. On va dire que le hijab, donc c'est une prison, c'est un enfermement intérieur, c'est une prison. Et la personne, ma fin, elle sait que quelqu'un justement a une bonne réponse à cette parole-là et a décidé d'écrire quelque chose de bien sur ce sujet, ma fin. Une bonne réponse. Donc lui va, ma fin, de son argent, acheter énormément de livres pour pouvoir propager justement cette réponse, par exemple. Et d'autres encore. On a encore énormément d'exemples. Mais c'est pour montrer un exemple. Donc lui, il va justement barrer la route à justement à ceux qui vont fausser l'image de la religion. Qui vont fausser l'image de la religion. Et aussi, parmi les gens, donc il y aura celui qui va aussi, bien sûr, donc il va. Lui, enfin, il a. Alhamdoulilah, il a énormément d'argent. Et donc, il va faire travailler des gens. Il va avoir des ouvriers. Il va avoir des ouvriers. Donc, déjà, c'est un bienfait parce qu'il aura pris donc, des ouvriers. Il va les aider à pouvoir s'en sortir dans leur vie. Et lui, peut-être qu'il va même pas s'occuper de cette affaire-là. Et il va avoir plus de temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour se consacrer maintenant à sa religion. Pour être, donc, pouvoir avoir plus de temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, en vérité, tous les bienfaits qu'on peut retrouver vis-à-vis de l'argent. Voilà les bienfaits qu'on peut retrouver vis-à-vis de l'argent. Alors on l'a vu donc vis-à-vis des gens qui, bien sûr, penseraient maintenant à un bien particulier. Après, on peut retrouver aussi des gens qui vont dire, moi, j'aime donner ça dans des œuvres qui sont caritatives, maintenant. Ou c'est tout le monde qui en profite. Je pose mon argent pour une mosquée, construction d'une mosquée. Moi, je veux que c'est donc une majorité de musulmans qui vont en profiter. Parce qu'on peut très bien, des fois, aider des personnes en particulier ou bien aider, on va dire, la communauté de façon générale. On retrouve ça aussi. Donc, on a parlé de l'argent de façon générale. Et comment on doit être maintenant, donc nous, vis-à-vis de cet argent? C'est-à-dire le fait d'aimer l'argent ou le fait de pouvoir en vérité se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ou aussi le fait de désespérer si on n'a pas d'argent. Donc on doit aussi savoir comment on doit en vérité donc, être vis-à-vis de tout ça. Comment on se protège vis-à-vis de toutes ces situations. Donc il faut que tu saches que donc à l'origine, la pauvreté, ce n'est pas quelque chose qui est madhmoum. Ce n'est pas quelque chose qui est réprimandé en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit Allahumma ahyini miskina. Allah fais-moi vivre pauvre. Il dit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien Allahumma, donc fais-moi vivre pauvre. Fais-moi vivre pauvre. Ça c'est une doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à l'origine, donc la pauvreté c'est pas quelque chose qui est réprimandé, c'est même quelque chose qui peut être bien. C'est-à-dire on va voir comment. On va voir bien sûr comment. Mais il faut que celui qui n'a pas d'argent ou bien qui a peu d'argent, on va dire celui qui a peu d'argent, il faut qu'il sache que cela lui suffit. Lui, alhamdoulillah, il se dit cela me suffit. Donc il a ce qu'on appelle el-qana'a. Donc il a cette suffisance. Il sait que cette suffisance, elle provient de la part d'Allah ce matin. Il est heureux malgré ça. Il est heureux malgré ça. Hein? Donc lui, il va bien sûr donc barrer la route à convoiter, à la convoitise de ce que les gens ont. À la convoitise de ce que les gens ont. Ce que les gens ont ne l'intéresse pas. Ce que les gens possèdent ne l'intéresse pas. Donc, ils ne regardent pas ce qu'ils ont dans leur poche. Ils ne regardent pas ce qu'ils ont dans leur poche. Donc, il va bien sûr être comme cela. Il va justement être comme ça. Lui, ça lui suffit d'avoir donc les nécessités, d'avoir un petit toit, de pouvoir au moins se prémunir du froid ou de la chaleur. Il va avoir de quoi manger. Il va avoir de quoi s'habiller. Cela lui suffit. Il ne cherche pas de surplus. Il ne cherche pas à avoir autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par le même musulman, Qad aflaha man aslam, wa ruzika kaffafan, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, a réussi celui qui se soumet ou bien celui qui accepte. Alors que celui en vérité qui c'est-à-dire se soumet, qui se soumet et qui a été octroyé de la part d'Allah, donc Allah lui a donné cette suffisance et il est donc heureux de ce qu'Allah lui a donné, quoi qu'il en soit, peu ou beaucoup, il est heureux de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas. Il est shakur, il est en vérité reconnaissant en ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il sait que, quoi qu'il en soit, le fait qu'il est croyant, c'est un bien pour lui. Il sait que c'est un bien pour lui. Car sachez que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à un croyant, là on parle vis-à-vis du croyant, énormément d'argent, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce croyant reste croyant avec énormément d'argent, Allah sait que si lui n'aurait pas d'argent, peut-être il changerait. Il quitterait l'islam. Ou bien il serait il deviendrait plus faible dans sa religion. Donc Allah il le laisse comme ça. Lui il a besoin de telle somme. Allah il lui donne. Il y a des gens, c'est le contraire. Allah il les laisse pauvres. Et ils restent croyants, ils sont croyants avec cette pauvreté. Et il est possible que s'ils avaient de l'argent, ils changeraient. Donc c'est pas un bien pour eux l'argent. Donc Allah il les laisse comme ça. Donc en vérité, en tant que croyant, pour lui c'est un bien. C'est un bien. Donc sachez que c'est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, donc, voici comment la personne doit être lorsqu'elle reçoit. Bien sûr, la personne va faire les asbab, elle va faire les causes afin de savoir, afin de, c'est-à-dire d'acquérir de l'argent en travaillant ou autre, mais elle va accepter tout ce qu'Allah a écrit pour lui, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour lui. Et Abu Hazam dit, Flathun, Men kunna fihi kamul aqluhu. Trois choses, si on les possède, notre raison sera complète. L'aql, c'est important. L'aql, bien sûr, c'est là, c'est le cœur. L'aql, c'est quelque chose qui reste important. Les pieux prédécesseurs et les savants évitaient tout ce qui pouvait diminuer leur aql, leur raison. Tout ce qui pouvait diminuer leur raison. Donc il dit, kamul aqluhu. Donc il dit, man arafa nafsa. Celui qui se connaît. Donc tu te connais dans tous les domaines. Donc tu te connais dans tous les domaines. Tu sais si tu es capable de le faire ou si tu n'es pas capable de le faire. Tu te connais. Donc tu ne vas pas tricher en croyant qu'en vérité tu peux faire mieux que ce que tu pourrais faire. Mathalan. Wa hafiz al-lisanahu. Et il retient sa langue. Donc il ne parle de ce qui est important. Il ne parle de que ce qui est intéressant. Il ne parle pas dans les choses qui sont futiles. Il ne perd pas son temps à parler dans les choses qui ne sont donc pas importantes. Et donc il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc regardez, il se connaît, il retient sa langue et il est bien sûr satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des gens comme ça, donc on aime voir ce type de personnage. On aime voir ce type de personnage. Et d'autres hukama, d'autres sages disaient aussi, anta akhul izz ma iltahaftal bil qana'a. Donc tu es, donc lorsqu'on dit akhu, c'est-à-dire tu es, donc pas le frère, dans le sens où tu as avec l'izza, donc l'izza en vérité c'est la puissance, mais en vérité l'izza, donc vis-à-vis de cela, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est noble, quoi. Tu restes noble tant que tu es satisfait de ce que tu as, tant que tu es vêtu de la satisfaction. Tant que tu vas être vêtu de la satisfaction, en vérité c'est toi l'aziz, c'est toi qui en vérité justement donc la personne qui sera noble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afin de savoir comment on doit être, c'est-à-dire vis-à-vis de l'argent, il dit, ayyuhan nas ajmilu fit talab fa innahu laysa li 'abdin illa ma kutiba lahu. Le hadith est rapporté par al-Hakim al-Bayhaqi et authentifié par al-Albani rahmatullah alayhim jami'an. Aux gens, donc recherchez cet argent de la plus belle façon. Ajmilu. Et le professeur a utilisé donc le mot Jamel, la beauté. Rechercher cet argent de la façon la plus noble. Hein. Car la personne, le serviteur, n'aura que ce qui lui a été écrit. Dans le sens, ton laisse qu'il est écrit. Donc va le chercher dans le halal. Des fois, des gens, justement, tombent dans ce piège-là et on verra, inchallah, par la suite. Tombent dans ce piège parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils se disent, alors j'ai le droit de faire comme ça, je dois le faire comme ça. Ils vont emprunter avec intérêt, ils vont faire parce qu'ils disent, parce que j'ai pas d'argent. C'est écrit, t'as vu l'argent que t'as pris dans le haram et que tu l'as pris avec l'intérêt, si tu avais fait dans le halal, tu aurais eu la même somme parce que ça t'est écrit cet argent. Donc laisse-la tomber dans le halal, laisse-la, c'est-à-dire arriver à toi dans le halal. Hein, donc dans le halal, parce que tu n'auras bien sûr que ce qui t'a été donc écrit. Wa ajmilou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les compagnons du prophète, que les prophètes ont tous, c'est-à-dire ont tous travaillé de ce qu'ils ont construit de leurs mains. C'est pour ça qu'en vérité l'artisanat, c'est le meilleur métier, c'est mieux que le commerce, dans le sens où je vais à Paris, je vais à Bruxelles, j'achète un lot et je le revends. Hein, je vais acheter un lot d'habits, je le revends. C'est un risque, c'est bien. Il y a que le fait que tu vas construire de toi-même, que ce soit du bois, que ce soit quoi que ce soit, c'est encore meilleur. Car ça, c'était le travail des prophètes. C'est le meilleur. Maintenant, tu as. Ça peut être un pizzaiolo. Il a construit sa pizza, il a construit sa pâte, il l'a fait. Donc lui, c'est encore mieux que si tu achetais des choses et que tu revends. Parce que tu as construit quelque chose qui est du fruit de ta main. Et ça, c'était ce que les prophètes faisaient. Tout ce que les prophètes faisaient. Et c'est meilleur que le commerce en lui-même, c'est-à-dire lorsqu'on parle de cela. Donc tu vas devenir peut-être menuisier, charpentier, tout ce que tu veux, tout ce qui est le métier d'artisanat. Et ça, c'est encore meilleur qu'en vérité que le commerce. C'est encore meilleur que le commerce. Il y a un meilleur risque dans cela. Il est meilleur, mathalène, de vendre, à titre d'exemple, on va dire des dattes, que des bonbons. Parce que les dattes, elles ont elles, quoi? Donc c'est meilleur lorsqu'on va les manger que les bonbons. Les bonbons, c'est pas. Hein, justement, on a tendance à tomber dans ce piège-là, parce que ça ramène de l'argent, mais en vérité, on est en train de quoi? D'aider les dentistes. Parce que lorsque tu veux vendre beaucoup de bonbons, ça veut dire que c'est comme si tu étais en train de dire aux gens, en vérité, donc donner énormément de bonbons à vos enfants. C'est un exemple. Donc il y a des choses qui sont meilleures que d'autres à faire. Et c'est pour ça que plus le risque il sera meilleur, hein, donc plus le risque en vérité sera meilleur, mieux c'est pour toi. Mieux aura de la baraka. Donc recherche toujours dans ce qui va être plus utile pour la communauté, même dans ce que tu vends, même dans ce que tu vas vendre. Recherche de vendre en vérité ce qui va être plus utile. Et ça reste justement dans justement les ajminu fit talab. Ça rentre dans ce que le professeur m'a dit, ajminu fit talab. Donc rechercher en vérité de la meilleure façon. C'est pas seulement il y a non seulement dans le métier, mais aussi dans ce comment donc comment tu vas procéder et comment tu vas aussi bien sûr procéder. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par le même Ahmed ou Ibn Majah, il dit wa ajmi' wa lyas mimma yani fi aydin nas. Donc il dit wa ajmi' lyas, il dit wa ajma' afwan wa ajma' lyas mimma fi aydin nas. C'est-à-dire que donc la détresse la plus complète, hein, c'est le fait d'espérer ce qu'il y a dans les mains des gens. Si tu veux vraiment être en détresse, donc pense à ce qu'il y a dans les mains des gens. C'est-à-dire en vérité, ne sois pas comme ça, ne sois pas convoiteur, parce qu'en vérité, tu seras en détresse, parce que tu convoites ce qu'il y a chez les gens. Tu veux essayer à tout prix de leur vendre, tu vas essayer à tout prix quelque chose pour justement convoiter ce qu'il y a dans les mains des gens. Et ça, c'est ajma'a al-yas. Donc c'est la convoitise ou la détresse plutôt la plus complète. La détresse qui reste la plus complète. C'est bientôt l'heure de la prière, là? C'est pas encore l'heure. Dans 10 minutes, là, d'ailleurs. Et certains pieux prédécesseurs disaient, là où qu'il allait tabayi, men abouk, qala échec, fil maqdour. Si on disait, si le tama, c'est la convoitise, la convoitise parlait, on lui questionnerait, si on questionnait la convoitise en elle-même, on lui disait, qui est ton père? Il dirait le doute dans ce que Allah a décrété. Le doute dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la convoitise. C'est que tu doutes sur ce qu'Allah azzawajal a quoi? A écrit. Tu doutes. Walaw qila ma hirqatuk, qala iktisab al-dhul. Walaw qila lahu ma ghayatuka, qala al-hirman. Donc si on lui disait, quelle est en vérité, c'est-à-dire ta façon de faire, ton procédé, il dirait, donc, gagner ou essayer de rassembler l'avilissement. Il essaie de rassembler avec ceux qui vont l'avilir. Il est en train de se faire remarquer, mais dans le mauvais. Et si on lui disait, et quel est ton but? Il dirait l'interdiction, le hirman. C'est-à-dire qu'Allah m'a interdit. C'est ça la convoitise. Waqila at-tama yuzillu al-amir wal-yas yu'izzu al-faqir. Et on dit aussi, c'est toujours une parole de sage, que la convoitise rend vil l'émir, donc une personne très importante, et donc Elias, Ya'izzu el-Fakir, dans le sens où Donc la personne qui ne va pas convoiter ce qu'il y a dans les mains des gens va justement honorer le pauvre, va honorer celui qui est pauvre. C'est pour ça qu'Allah dit bien, tu les considères riches car ils ne demandent pas. Tu les considères riches car ce ne sont pas des gens qui demandent. Donc vous les considérez riches par justement le fait qu'ils se prémunissent, qu'ils ne demandent pas. Ce ne sont pas des gens, alors que ce sont en réalité véritablement des pauvres, mais ils ne demandent pas. Donc on va continuer tout en voyant donc un autre chapitre qui est Al-Ilaj. Comment se prémunir de cela et la guérison de cela. La guérison de cela. Donc cette guérison va être composée de trois parties. Elle va être composée de trois parties ou bien même de trois piliers. Le premier pilier, c'est As-Sabr, la patience, patienter. Le deuxième, c'est Al-Ilm, savoir cela, bien sûr, avoir la connaissance de cela, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Tous les jours, leur vie est répétée par cette envie, cette convoitise, sans savoir, sans trouver d'issue, parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et troisièmement, Al-Amal, mettre en pratique, bien sûr, cela. Et on va réussir à mettre en pratique ces trois points dans, bien sûr, cinq chapitres. Dans cinq chapitres qui seront différents. Le premier, c'est le fait d'avoir une vie simple, d'avoir une vie qui n'est pas exagérée. Donc tu as les moyens, alhamdoulilah, mais tu vis quand même, on ne t'a pas dit de vivre comme un pauvre, mais tu vis de façon simple. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien dit à une personne qui avait des biens, donc il avait des chameaux, il avait des ovins, des bovins, il avait toutes sortes de biens, mais il était vraiment très mal habillé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, certes Allah aime que l'on voit les traces de sa, de son bienfait envers soi-même. Donc ça va se voir, mais sans exagération. Donc sans exagération, en restant bien sûr dans le juste milieu, qui est, de toute façon tout est demandé dans l'islam, le juste milieu. Donc elle retire ça, le fait d'être simple, ça reste simple, c'est pas exagéré. Et aussi, même lorsque tu vas aussi dépenser, lorsque tu vas dépenser, tu n'exagères pas. Tu ne vas pas, ma femme, car le fait que tu as les moyens d'avoir, ma femme, 36 sortes, c'est un exemple, de yaourt dans ton frigidaire. Tu n'as pas besoin de demander autant. Tu n'auras pas le temps de les manger, tu vas en jeter 18 sortes, ma femme, ou 25 sortes, tu vas les jeter. Donc on te demande de savoir comment acheter, sans priver, sans te priver, sans priver tes enfants, mais sans que après tu aies besoin de mettre tout ça à la poubelle. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut savoir donner. Donc il faut savoir à ce moment-là, donc acheter maintenant. Il faut savoir comment gérer tout cela. Et aussi, donc celui qui veut avoir justement être réellement convaincu, réellement satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, bien sûr, il doit se dégager de tout ce qui va l'éloigner de cette situation-là. Il faut qu'il reste satisfait et convaincu. Donc pour pouvoir protéger cela, parce que c'est un bienfait, d'être satisfait, d'être convaincu, ça c'est justement, c'est de l'or en barre. Et là, à ce moment-là, tu dois le protéger. D'être satisfait et convaincu, c'est pas n'importe quoi. C'est un bienfait qu'Allah te donne, donc garde-le, en ne sortant pas de justement ces deux attributs qui sont en vérité, qui sont très bien, c'est des nobles attributs. Et tu vas rejeter tout ce qui va être justement contraire à cela. Donc tu vas manger simplement, maintenant, tu ne vas pas avoir énormément d'habits, ça ne te sert à rien. Tu auras ce qui va te suffire, tu vas aussi donc te protéger, protéger ta famille de la même façon. Et tu vas éduquer ta famille à cela. Ça ne s'arrête pas à toi. Tu vas éduquer aussi ceux qui sont donc sous ta tutelle à être comme toi, à accepter aussi cela, à être simple, à ne pas exagérer. Comme on l'a dit auparavant, être très simple, ça ne veut pas dire donc de ressembler aux pauvres si tu en as les moyens. Mais tu restes simple quand même. Ça reste en vérité, donc on voit que ce soit que la personne, elle est en vérité, elle est humble, elle reste humble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Flaful munji'at, trois vont sauver les gens. Khashiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya. La crainte d'Allah en secret et en public. Automatiquement, on voit qu'on a affaire à la sincérité, à l'ikhlas, car tu crains Allah, c'est-à-dire ton état ne change pas, tu es vraiment quelqu'un qui craint Allah, en secret et en public. Parce qu'en public, ça peut être quelqu'un qui va faire croire devant les gens. Mais lui, il est tellement sincère que c'est la même chose, ça ne change rien. Le secret et le public ne va rien changer pour lui, parce qu'il ne le fait pas pour les gens. Et il craint Allah. Et la différence entre le khashiyah et le khawf, c'est l'ilm. Parce que le khashiyah, c'est le khawf bil ilm. La différence entre le khashiyah, donc la crainte, et la peur, c'est la science. Elle est la différence. C'est que le khashiyah, c'est la crainte avec science. Donc, pas tout le monde n'a ce degré de khashiyah. Mais beaucoup plus de gens peuvent avoir le degré de khawf, d'Allah, la peur d'Allah. Ne serait-ce que la peur naturelle d'Allah. Ils l'auront. Parce qu'ils n'ont pas de science, par exemple. Ils n'ont pas accès à la science. Mais celui qui a accès à la science, lui, il aura quelque chose de plus fort. C'est la peur avec la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis, el qasdu, fil ghina wal faqr. Il est toujours donc dans le juste milieu, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Il n'exagère pas. Il sait donc se tenir. Lorsqu'on parle du pauvre, donc celui qui n'a pas énormément d'argent, il a juste pour tenir son mois, lui va faire attention. Il doit faire attention. Il ne faut pas qu'au milieu du mois, il n'a plus rien. Donc il doit faire attention. Et s'il n'est riche, ce n'est pas parce qu'il est riche que ça veut dire qu'il doit exagérer. On ne va pas lui demander de manger dans des couverts en or et en argent. Mathan. Il ne va pas exagérer. Il peut avoir des choses qui sont un peu plus chères, hein, qui vont être un peu luxueuses, dans le sens où elles sont solides, elles vont tenir plus longtemps. Il peut avoir des habits qui vont être un peu plus chers, ou des chaussures ou quoi, qui vont mieux tenir. Ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a quand même un intérêt. Le prix vaut, hein, donc veut dire qu'en vérité, bien sûr, la chose, elle va mieux tenir. Donc c'est plus confortable, c'est plus solide, et ça va durer plus longtemps maintenant. Donc ça, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ça rentre pas dans le gaspillage. Ça ne rentre pas dans le gaspillage. On sait ce que ça veut dire le gaspillage à Kulhel. Donc il dit bien le fait d'être dans le juste milieu. Et il termine par El Adlu, Ferrida ou le Radab. Le fait d'être juste dans l'agrément et même dans l'énervement. C'est-à-dire que tu es juste dans l'agrément lorsque tout va bien, lorsque tu agrées donc des gens et d'autres, et aussi dans l'énervement, lorsque tu es donc en état de colère. En ce moment-là, tu dois rester juste. Et la meilleure façon d'être juste en état de colère, c'est justement donc de t'éloigner, maintenant, de t'écarter des gens, afin de ne pas de te taire, de ne pas parler. Et c'est pour ça qu'il lui demandait, donc Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, donc lorsqu'il écrivait à son fils qui était gouverneur, il lui disait, ne juge pas si tu es en colère. Tu ne juges pas. Il faut que la personne soit apaisée, parce que si tu es en colère, tu ne vas pas être juste. Donc la colère, il est demandé à la colère, la personne qui sera en colère, justement, de s'éloigner. Hein? C'est pour ça qu'il faut être juste. Et regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré un exemple. Lorsque les deux compagnons se sont insultés, et que un a dit des mots qui étaient graves, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je connais quelque chose, s'il l'aurait dit, hein? Donc je connais une phrase, s'il l'aurait dit, ce qui est en lui serait parti. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le voit, il n'est pas parti les voir. Et bien, il y a quelqu'un du compagnon, je connais une parole. Donc c'est A'udhu billah min shaitan rajim. Donc il a bien dit ça. Et pourtant, le prophète n'est pas parti. Pourquoi? Parce que la personne est en état de colère, elle est en état de colère, elle ne va pas accepter. Donc ce n'était pas le moment. Il fallait que la personne refroidisse, tout simplement. Ou à un autre moment. Lendemain, Mathalène. On le laisse se calmer. Il ne lui a pas parlé du prophète en état de colère, parce que la personne ne l'aurait pas accepté. Parce que quand on est en colère, on n'est plus soi-même. Donc c'est pour ça que. Il faut réussir en état de colère d'être juste. Et ça, celui qui arrive à faire ça, c'est pas donné à n'importe qui, il sera sauvé. Et dans la suite du hadith, c'est bien sûr Flathun Mulhiket, trois qui vont faire périr les gens. Et c'est parmi ceux-là, ce qui nous intéresse là, dans les trois, c'est Shuhun Muta, un avare. Un avare qui obéit. Et Shuh, c'est plus que le Bukhul. Le Shuh, c'est le Bukhul Malhirs. C'est-à-dire que tu es avare, parce que tu peux être avare, mais tu te causes du tort à toi-même. Dans le sens où, c'est pour toi, tu es avare, donc tu ne donnes pas, mais tu n'espères pas ce qui est dans les mains des gens. Tandis que Shahih, c'est que non seulement il est avare, mais en plus il espère ce qui est dans les mains de l'autre. Donc on va s'arrêter là, car c'est l'heure de la prière, et on reprendra, Inch'Allah, par la suite. Le fait que Abbas n'est pas là, donc je vais continuer, et sûrement je vais terminer, peut-être au milieu de. Afin que Kamel puisse aussi faire quelque chose juste après moi. Barakallahu fikoum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.